Ok, le prochain morceau il s'appelle The River, c'est le moment de vous présenter le cinquième élément. Si c'est vraiment utile, c'est Bouchon qui nous accompagne pour toute la tournée. The River.